pourquoi les meilleurs partent les premiers? À toi, je peux me regarder dans une secla. Pourquoi les meilleurs partent les premiers? Pourquoi les meilleurs partent les premiers? Samy repose en paix. On t'oubliera jamais. Remplace ton Superman par mon Super Sam, a.k.a. Reggie Miller, a.k.a. Beckham. T'as des super héros qui n'existent même pas. Le nôtre est très réel, mais il n'est plus sur cette terre. Personne t'oubliera mon grand, tu nous as marqué à vie. C'était trop tôt pour que tu partes, t'es sûrement au paradis. Car seul sans toi c'est dur, beaucoup trop difficile. T'as fait de nous des hommes de l'ombre, rageux et dociles. Samir, on t'aime, y'a pas de remise en question. Jamais. On restera droit pour continuer d'honorer ton nom. J'espère que tu reposes en paix, je n'en doute pas. Tu étais quand même Samir, l'Algérien Zaïrois. Grand frère, on t'aime tous, on t'oubliera jamais. T'es gravé dans nos cœurs, comme sur un rocher. Grand frère, on t'aime tous, on t'oubliera jamais. T'es gravé dans nos cœurs, offert à souder. Pourquoi les meilleurs partent les premiers? Emmené mais à un test dans le 9D. T'étais venu me chercher à la sortie du lycée. C'était matinal, mais t'étais hâle comme un amiral. Ce jour-là c'était horrible, c'était ton jour. Tu étais la cible, le vent soufflait très très très fort. Les feuilles des arbres étaient comme morts. Phénomène bizarre quand les meilleurs partent les premiers. Pleure, pleure, la vie ne tient qu'à un fil. Profite, profite, profite de la vie. Mais on est tous sur le clear. Love and peace, black.